بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. فنبدأ في هذا اليوم بإذن الله عز وجل في هذه الدروس في مناسك الحج والعمرة في ضوء الكتاب والسنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. مونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمبر 2. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنواصل بإذن الله عز وجل هذه الدروس في شرح مناسك الحج والعمرة. وفي الدرس السابق أخذنا بعض المسائل، ومنها فضل الحج والعمرة، ونسيت أدلة في ذلك، كذلك ونسيت آداب مهمة منها الإخلاص، et ça c'est أهم ما يكون، la sincérité. كذلك on a cité التعليم، الاجتهاد في التعليم، أي avant d'aller au حج de faire des efforts في هذا الباب. كذلك on a cité صحبة الأخيار، ملازمة الأخيار والفضلاء، أي les bonnes fréquentations. كذلك parmi les comportements que الشيخ عبد المحسن il a cité الأخلاق، التحلي بالأخلاق الكريمة، et les bons comportements. كذلك et là on a clôturé بهذا الاشتغال بالذكر والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن etc. كذلك on a pas cité et on cite الآن أن من أفضل ما يحرص عليه من وفقه الله تعالى للذهاب إلى تلك الأماكن المقدسة، أي parmi les choses la plus utile ou une des choses les plus utiles bi-idhnillah pour celui que Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité d'aller هناك في بلاد الحرمين، c'est l'istifada min أهل العلم وزيارتهم وزيارتهم نعم وزيارة أهل العلم والجلوس عندهم. فتوسا c'est من أهم ما يكون، ستستفيد إن شاء الله في مسائل الحج وفي غيرها، لأن cette période العلماء رحمة الله عليهم وحفظهم ils donnent beaucoup de leur temps aux حجاج، فايه répond à leurs questions، ils expliquent le manasik، لكن كذلك ils traitent des autres sujets. فأنت تستفيد بدلا من التجول هنا وهناك في الأسواق بعض الناس، والله المستعان ربما لا يجلس جلسة عند عالم من علماء السنة هناك وشغله الشاغل في الأسواق، لا يدخل من هنا ويخرج من هنا، il perd son temps. التسوق tu peux le faire en un jour، أي les courses que tu as besoin، les cadeaux etc. والباقي الجلوس عند أهل العلم فتستفيد. فلهذا النية تمن نية pour الحج والعمرة، كذلك من وفقه الله سبحانه وتعالى من نية pour طلب العلم كذلك، ولو ساموا أموا فيه خير كثير وبركة pour celui qui connaît l'importance de الوقت. Et ما تدري est-ce que tu vas revenir أم لا، ربما tu meurs هناك فتu meurs avec cette نية الحج والعمرة بإذن الله. et كذلك en tant que طالب علم، هذا مهم، كثير من الناس sont في غفلة عن هذا. كذلك نبه avant de commencer أن à partir de demain إن شاء الله le درس sera 19h أحسن، لأن الآن المغرب وقت المغرب ça commence à descendre، et pour laisser du temps aux frères qui se préparent إن شاء الله on avance un peu. Inch'Allah, à partir de demain, on commence à 19h. On ne commence plus à 19h15. هذا تنبيه. اليوم نبدأ بمسألة مهمة وهي حكم الحج. أي est-ce que le حج c'est obligatoire أم لا؟ أولا on cite التعريف. العلماء ils le citent. أي c'est quoi la définition du حج؟ لغة الحج c'est القصد. قال الخليل رحمة الله عليه كثرة القصد إلى معظم، أي savoir l'intention d'une chose، c'est ça le حج في اللغة. لكن كما قال ابن فارس رحمة الله عليه قال ثم اختص بهذا الاسم القصد إلى بيت الله الحرام إلى آخره، أي pour faire الحج. نعم فلغة Al-qasd, et avoir l'intention d'une chose, de faire une chose. Lakin, c'est devenu un ism pour celui qui a l'intention de se rendre fi Mecca pour faire al-hajj ou l'umrah. Falihada shar'an, ils l'ont défini. At-ta'abud lillahi azza wa jal. بِأَدَاءِ الْمَنَاسِكِ عَلَى مَا جَاءَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Et on peut rajouter فِي زَمَانٍ مَخْصُوصٍ. Donc, c'est avoir cette niya, tu fais ces choses que tu vas faire, فِي الْمَنَاسِكِ الطَّوَاف قَبْلَ ذَلِكَ الْإِحْرَامُ وَالسَّعِي وَالْحَلْقِ etc. Tout ça c'est لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Tout ça c'est fondé sur le kitab et la sunna. Un temps bien précis, dans un endroit bien précis. L'endroit c'est Mecca. Kadhalik Mina, Arafa, tous les endroits qu'on va voir en détail, Inch'Allah Ta'ala. Et al-waqt, un temps bien précis, ça commence le 8 de Dhul-Hijjah, comme on va voir dans les durus. Fahada huwa al-Hajj. Amma al-Umra, lughatan c'est ziyara, c'est une visite. Wa shar'an, at-ta'abbud lillahi ta'ala bit-tawaf bil-bayt. C'est ça l'Umra. Vous avez remarqué que dans le tarif de l'Umra, on ne cite pas un waqt makhsous. L'Umra, tu peux la faire fi Ramadan, tu peux la faire fi Dhul Hijja, tu peux la faire fi Dhul Qa'da, tu peux la faire fi Sha'ban, etc. Et parmi les meilleures périodes, bien sûr, au Ramadan. Shahr au Ramadan pour faire l'Umra. Falihada, dans le tarif, l'Ulama ne cite pas waqt makhsous. Andur al-Munti'a. شرح زاد المستقنع للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه صار كتاب نافع جدا في الفقه الممتع. أما الحكم فتعلمون أن الحج ركن من أركان الإسلام كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان أو في رواية الحج لمقدم والحج وصوم رمضان. الحديث متفق عليه. فسنركن من أركان الإسلام. لا شك ولا ريب أن أركان الإسلام سأوبليغاتوار دو لزاكمبلير. فلهذا الحكم. Et l'an, on en vient à répondre à la question qu'on a posée au départ. Hukm al-Hajj, est-ce que c'est obligatoire ou pas? Al-Hajj, il est wajib, c'est obligatoire. Bil-Kitab, bi-Adillat al-Kitab, wa-Sunnah, wa-Ijma'. Al-Qur'an, il prouve que le Hajj, il est obligatoire. Pour celui qui a la capacité, bien sûr. Al-Sunnah, kadhalik, wa-Ijma'. L'unanimité des savants. Amma al-Qur'an, faqawlu Allah ta'ala. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الشاهد ولله على الناس حج البيت. أي c'est un devoir que tu as envers Allah subhanahu wa ta'ala de faire الحج. Bien sûr avec ce قيد من استطاع إليه سبيلا. Et ça, في الحقيقة, c'est pour toutes les عبادات. كما قال عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. وفي حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أمرتكم به فأتوا منهم ما استطعتم. فالعبادات c'est lié avec la capacité. Si tu peux, tu fais. Si tu peux pas, t'as un udr shar'i. Et on va détailler ce shart al-istita'a dans le cours d'aujourd'hui inshallah. Fal-istita'a, si t'as la capacité tu fais, si t'as pas la capacité tu ne fais pas. فالسلوي كلا كاباسيتي الحج واجب عليه. أما الأدلة في السنة نسيت حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم إلى فيها سيرمون بخش قال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. هذا سندليل واضح نص في وجوب الحج. قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. أي الله vous a rendu le hajj obligatoire, faites le hajj. فقال رجل أكل عام يا رسول الله. Un homme qui était dans cette assise Il a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'est obligatoire tous les ans, ya Rasulallah, et chaque mois de chaque année de Dhul-Hijjah, on doit faire le hajj? Fasakata Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hatta qalaha thalathan. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas répondu. Cet homme, il a posé la question une deuxième fois. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas répondu. Cet homme, il a reposé cette question une troisième fois. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَ اسْتَطَعْتُمْ. Ça montre أن هذا الدين il est yusr. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. صدق الله عز وجل. هذا النبي c'est une rahma pour l'umma. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, لو قلت نعم, si je te réponds oui, vous ne pourrez pas. Il y aura une mashaqa azima, tu dois faire le hajj tous les ans. Al-an, nahnu, l'époque où on vit, anna l'iman il va'if, et nas ils sont fi ghafla, wa'adhum, ils n'ont pas encore fait le hajjat l'islam, alors qu'il a le qudra. Al-maliya wa al-badaniya. Il a l'argent, il est en bonne santé, il peut faire le hajj. Lakin ma'ufiq. Ma'ufiq. Fama baluk, tous les ans. فهذه c'est une ni'ma min ni'am illahi azza wa jal, anna al-hajj c'est obligatoire une fois dans ta vie ayyuha al-muslim, et le reste c'est tatawwa. Ça ne veut pas dire que tu ne le fais plus, la tatawwa, comme on a vu hier, fada'il al-hajj khasatan at-takrar, le fait de le faire tous les ans pour celui qui peut, ça efface les péchés de l'année. Qala al-imam ibn al-munzir rahimahullah fil ishraf. Al-imam ibn al-munzir c'est un imam kabir fil fiqh وفي الدين وفي السنة. Et il a un kitab, ou deux livres qui sont connus, l'Ishraf ou l'Awsat. Et c'est des kutub muhimma pour talib al-ilm. Khasatan fi abwab al-fiqh. Qala ajma'a ahlu al-ilm ala anna ala al-mar fi umrihi hajjatan wahida hajjat al-islam. L'unanimité des savants, anna c'est une obligation pour l'homme et pour la femme, al-mar, ça englobe l'homme et la femme, de faire le hajj une fois dans sa vie. Qala illa an yanzira al-mar'u nadran fayajibu alayhi al-wafa'u bih. Et cette masala, on l'a expliqué en détail du kitab al-tawhid al-nadr. Et al-muslim, il s'écarte de هذا. Lianna yashuq ala nafsi. Al-nadr, c'est de faire un vœu. Il fait un vœu de faire le hajj. Pas hajjatul islam. Hajjatul islam, que tu fasses un vœu ou pas, c'est wajib alayk. Là, il a fait le hajj qui est obligatoire, qui est un rukn min arkan l'islam, et il s'impose un autre hajj en faisant un vœu. Ce hajj, le deuxième, il devient obligatoire. Il est obligé de le faire. Et هذا, on a démontré, شرح كتاب التوحيد, أن هذا, c'est makruh. Et bien, les ulama, ils disent que c'est haram de faire un nadr. Hakada. Khasatan. S'il s'impose, ou s'il fait un nadr mu'allak, si Allah subhanahu wa ta'ala il guérit mon enfant, je fais le hajj. Ou si Allah subhanahu wa ta'ala il me donne telle chose, je fais le hajj. Hada la shaka anna aqal ma fihi, c'est que c'est makruh. Si c'est pas haram. Celui, pour revenir à notre sujet, qui fait ce nadr, il s'impose, le hajj devient obligatoire pour lui. Hada, t'as aucune haja. T'as pas besoin de ça, yuhal muslim. Fais ton hajj obligatoire et t'as une bonne niya, t'espères faire le hajj une autre fois, aïe min bab al-tatawwa al-nafl, et inshallah t'es à la khair, sans t'imposer. Les anna hada al-nadr que tu t'imposes, rubbama, tu peux pas aller faire le hajj. Et c'est obligatoire l'an. Yabqa fi dhimma. Wa hada la yambagi. Ala kulli hal, al-hajj c'est obligatoire bil kitab, wa bil sunnah, wa bil ijma'a. Une fois dans sa vie. Une fois dans la vie du musulman. Wa hada al-hajj, il a des shurut qu'on va étudier ensemble. Et hada al-bab, il est muhim, shurut al-hajj. Le premier shurut, on va voir qu'il y a cinq shurut, un sixième pour la femme, ay al-mahram. Le premier shurut, al-islam. قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الكافر ses œuvres ne sont pas acceptées أبدا. فإلى با concerné هو. Il est concerné par l'islam, لا شك. Et il doit délaisser le kufr et il doit rentrer في الدين. Lakin si il fait le hajj et il n'a pas délaissé son din kufri et il n'a pas fait de tawbah et il ne s'est pas converti à l'islam, son hajj il ne sert à rien. C'est comme ceux, pour vous donner un rapprochement et qui est propagé beaucoup, c'est comme ceux qui font un siyam ramadan et ce n'est pas des musulmans. Il le fait parce qu'il a des amis musulmans. C'est pas accepté. Il faut que ce soit un musulman. S'il veut faire le hajj, il se convertit à l'islam. Il prononce les deux attestations. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Il délaisse le kufr. Et il déteste le kufr. C'est ça l'explication de la ilaha illallah. Il fait le salat. Il y en a celui qui fait le hajj et qui ne fait pas le salat, la hajj là. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وفي الحديث الآخر بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة فهذا هذا obligé أن celui qui veut faire le hajj أولا c'est مسلم أما الكافر فلا يقبل منه الحج ولا غير الحج قال الإمام النووي رحمة الله عليه قال الشافعي والأصحاب أي الشافعية تعلمون أن الإمام النووي شافعي المذهب ورحمة الله عليه إلى كتاب مهم كتاب نافع جدا في الفقه son كتاب المجموع الشرح المهذب une référence في الفقه قال الشافعي والأصحاب إنما يجب الحج على المسلم أو على مسلم بالغ عاقل حر مستطيع. Tout ça c'est les conditions qu'on va voir الآن. قال فإن اختل أحد الشروط لم يجب بلا خلاف. Il y a aucun خلاف في هذا. Il est obligé d'avoir ces conditions avant de faire الحج. قال فالكافر الأصلي وكذلك المرتد على الصحيح لا يطالب بفعله في الدنيا بلا خلاف. أي نعم. هذا سنقل طيب دو الإمام النووي كي ديمونتخ أن الكافر لا حج له سيف الحج لي باكسبتي لا بد أن يتوب لا بد يغنط في الإسلام ثم يف الحج كانت سي لا بيريود دو حج سي لا لا كاباسيتي دوزيام شرط دونك لو بروميي الإسلام اتخ مسلم اي سا سان شرط في جميع العبادات الصلاة والصيام والزكاة و toutes ces adorations pour qu'Allah سبحانه وتعالى les accepte من عبد فلا بد من الإسلام فلهذا لا تغتر لكفار كيفون دي صدقات أو كافر كيف الصيام أو كيف الصلاة مثلا يبخونس بالشهادة يفو فيخ الصلاة فلا تغتر بهذا توساس غير مقبول عند الله هذا الدين on a des fondements نحن bien précis avec des adillah avec أقوال أهل العلم فهذا الدين on fait pas ce qu'on veut هذا الدين il y a un باب tu rentres من الباب إيه نعم أما si tout le monde fait ce qu'il veut, comme il veut, voilà. كذلك on précise أن الإسلام c'est pas un nom فقط. بعض الناس ربما يشانش son prénom et يظن أنه c'est un مسلم. لا يكفي هذا. Le problème في الحقيقة c'est pas le prénom, لا العقيدة والمبدأ les fondements. Et نعم. Et le plus grand fondement de l'islam c'est التوحيد et délaisser الشرك والكفر. Deuxième condition, العقل, la raison. فالمجنون le حج pour lui c'est pas obligatoire les شروط qu'on cite là c'est pour الوجوب شروط الحج أي شروط وجوب الحج pour que le حج devienne obligatoire il y a des شروط premier الإسلام deuxième العقل فالمجنون il fait pas le حج c'est pas obligatoire pour lui لماذا لأنه il sait pas ce qu'il fait القلام il est مرفوع عنه كما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أتي عمر الصحابي الجليل رضي الله عنه بمجنونة قد زنت عمر c'était أمير المؤمنين رضي الله عنه à cette période et ils ont emmené une مجنونة une femme qui a perdu la raison et qui a fait الزنا ils l'ont emmené عند عمر فاستشار فيها أناس فعمر il a consulté certaines personnes أي qu'est-ce qu'ils vont faire الآن elle a fait الزنا لكن elle est مجنونة أما elle serait pas مجنونة فواضح واضح الرجم أو الجلد أو معروف الحدود في هذا الباب. قال فأمر بها عمر أن ترجم. فعمر il a décidé que ترجم elle se fait lapider. فمر بها على علي ابن أبي طالب رضي الله عنه فقال ما شأن هذه. Quand ils l'ont prise, هذه المجنونة, cette femme qui a perdu la raison et qui a fait zina, pour appliquer sur elle la sentence, ils sont passés vers Ali ibn Abi Talib, al-Sahabi al-Jalil, radiyallahu anhu. Il a demandé, ma sha'nu hadi, qu'est-ce qu'elle a fait hadi? Faqalu majnouna, bani fulan, zanat. Ils ont dit, c'est majnouna, la fille de un tel, elle a fait zina. Qala fa amara, et ils ont répondu à Ali, fa amara biha Umar an turjam. Donc ils ont démontré à Ali, anna Umar, il a décidé de la lapider. فقال علي رضي الله عنه ارجعوا بها اي فد ميتور ثم اتاه فقال علي est parti voir عمر. Ça montre l'importance de النصيحة et ça montre كذلك ان الانسان il est pas معصوم. عمر رضي الله عنه c'est un صحابي جليل من الخلفاء الراشدين من المبشرين بالجنة لكن il est pas معصوم. فلهذا Ali radiyallahu anhu, il va le conseiller et il va lui montrer al-hadith. Qala thumma atahu faqal ya amir al-mu'minin. Ça montre l'importance du bon comportement fi nasiha. Et ça montre كذلك anna c'est pas tout ce que tu sais akhil karim, les autres ils le savent. Ali al-an il démontre pas à Omar annahu c'est une chose qui est claire, que pourquoi tu sais pas? Abadan. Ya amir al-mu'minin. Et il va lui citer, il va lui démontrer le hadith. Ça montre, dès que tu conseilles wahid, c'est pas automatiquement les choses, elles sont évidentes pour toi, elles sont évidentes pour lui. Là, on sait. Ya fulan, est-ce que tu connais ce hadith? Tu lui cites le hadith et inshallah, il connaît. Qala Ali, ama alimta anna al-qalam qad rufi'a an thalatha. Ça montre l'importance de l'hujja. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, l'an il a une hujja. Et le hujja passe avant tout. Ta'ammalu fi bidayat al-athar, on a cité anna Umar stashara unas. Et il a consulté des personnes. Et là, chèque anna Umar, il a consulté des sahaba qui sont avec lui. Ça n'a pas empêché Ali de conseiller et de citer al-hujja. Et ça nous montre que le hujja est aqwa. Et al-hujja, c'est la chose qu'on doit suivre. Voilà où des autres, ils n'ont pas compris cette hujja. Ou ils ne la connaissent pas. Là, on ne délaisse jamais le hujja. Abadan. Belle, on la montre. Et celui qui veut le khair, il suivra le hujja. Enfin, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, l'an, il va accepter. Et vous allez voir à la fin de la qissa, il ne va pas lapider cette femme. Enfin, il n'a pas dit là à Ali. Là, il y a khilaf. Ou là, Fulan, il m'a dit. Ou abadan. Il sait que Ali, il a cité un qawl qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, il va accepter, voilà, chacun à Omar. C'est min asra al-nas li qaboul al-haq, radiyallahu anhu. Qala, ya amir al-mu'minin, ama alimta anna al-qalam qad rufi'a an thalatha, ani al-majnoun hatta yabra. Et c'est ça le shahid. Al-majnoun hatta yabra. Jusqu'à qu'il est guéri. Tant qu'il est majnoun, il n'a pas la raison. Fal qalam il est marfou'. Aïe, il n'est pas concerné par les obligations, etc. Il est là où c'est un majnoun, c'est comme un enfant. Qal wa anil na'im hatta yastayqid. Kadalik, celui qui dort. Al qalam il est marfou'. Le rubbama il dort et il dit un kalam qui n'est pas tayyib. Est-ce que dans ce cas-là, il est pris en compte? Là. Li'anna al qalam il est marfou'. Qal wa anil sabi hatta ya'qil. Kadalik, l'enfant. Et jusqu'à qu'il atteint l'âge de la raison. Enfin, l'enfant, ou il fait des choses, il n'est pas pris en compte. Ça nous montre, tu connais un hadith, mais le jour où il faut l'appliquer, tu l'oublies. Oh, tu as une rafle. Enfin, Omar, il connaissait le hadith, mais il l'avait oublié. Radiyallahu anhu. Qala Aliyu, fama balu hadhihi turjam. L'importance d'appliquer les hadiths, de connaître les hadiths et de les appliquer. Falihada qala Ali, ma balu hadhihi turjam. Et pourquoi hadhihi elle va se faire lapider? Et on sait que al-qalam il est marfou anha. Faqala Umar la shay. Qala fa arsilha. Qala fa arsalaha. qala faja'ala yukabbir. Ça montre quwwat iman Omar. Annahu quand il s'est rappelé de ce hadith, Ali radiyallahu anhu lui a rappelé ce hadith, fa amara, il a ordonné que cette femme, il la délaisse, il la lapide pas, et elle est partie. Hakada al-mu'amala ma'al hujja. Hakada ha'oula, ils ont réussi. Et hakada ha'oula, il y avait de la mahabba entre eux. Le but, c'était le haqq. Le but, c'est pas que moi j'ai raison, toi t'as raison. Le but, c'est pas de suivre le qawl qui est le plus propagé, ou la majorité, ou la tendance. Abadan. Une hujja. On la suit. Khassatan si y a un alim min al-ulama qui nous montre cette hujja, comme dans ce athar Ali ibn Abi Talib. Kadhalik, c'est pas forcément celui qui a plus de ilm qui a toujours raison. Ou on prend son qawl. Ou al-afdal. La shak anna Omar il est afdal min Ali, radiyallahu anhu bil ijma. Lakin, al-hujja, elle passe avant. Hada al-athar, rawah Abu Dawud wa huwa sahih, n'an Ali. وروي مرفوعا مرفوعا أي عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي مرفوعا عن عائشة رضي الله عنها وفيه ضعف أي نعم روي عن عائشة فيه ضعف أما الموقوف الموقوف c'est la parole d'un صحابي ici la parole de Ali فإلى الصحيح عن علي موقوفا. Vous avez remarqué que Ali il a pas dit le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, là il a cité أن القلم إلى مرفوع عن ثلاث. الحديث روي عن عائشة مرفوعا فيه ضعف لكن يشهد له حديث علي الموقوف avec le hadith de Ali le موقوف plus le hadith de عائشة رضي الله عنه فالحديث إلى ثابت بل أثر علي الموقوف له حكم الرفع فلهذا علي رضي الله عنه إلى دليل عمر أما علمت أي est-ce que tu ne sais pas que le qalam il est marfou. Hada al-qawl, est-ce que tu ne sais pas ay qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui démontre hada al-shay? Falahu hukm al-raf. Lianna qui c'est qui va informer Ali an hada? An al-qalam il est marfou. Hada sa hukm shar'i. Fala shak anna Ali l'a pris hada al-kalam du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Anzur fath al-alla sharh bulugh al-maram li shaykhina Muhammad ibn Hizam hadith 1084 حديث عائشة إلى فصل لكلامكم يا ديره أي في الحكم على الحديث من حيث الإسناد. قال الإمام النووي رحمة الله عليه في المجموع قال أجمعت الأمة على أنه لا يدب الحج على المجنون. فأنت سيتي لدليل أي أثر علي إلى موقوف وله حكم الرفع إلى صحيح وكذلك أنت سيت الإجماع. أنت سيت beaucoup des إجماع كلام أهل العلم لأن الإجماع هو حجة هو دليل الدليل تلزق أدلة القرآن السنة الإجماع لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة cette أمة ne peut pas se rassembler على الضلال donc si elle se rassemble sur une chose c'est que c'est forcément حق فالإمام النووي يغبط إجماع الأمة على أنه لا يجب الحج على المجنون فسي forcément حق خاصة avec les أدلة qu'on a vu précédemment. من الشروط كذلك البلوغ. البلوغ c'est la puberté. Atteindre l'âge de la puberté. هذا ça fait sortir l'enfant. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصبي حتى يبلغ. Donc la plume, le قلم مرفوع أي il est pas pris en compte. Ils ne sont pas pris en compte ces trois catégories de personnes. Minhum as-sabi, l'enfant, hatta yablugh, jusqu'à qu'il atteint l'âge de la puberté. Donc ce n'est pas une obligation pour l'enfant de faire le hajj. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله لا نعلم في هذا اختلاف. لا نعلم في هذا اختلاف. نعم. Il n'y a pas de khilaf في هذا. Ce troisième charte al-bulugh, atteindre l'âge de la puberté, ça nous pousse à nous poser une question. Hajj as-sabi. Il y en a, on voit beaucoup d'enfants qui font le hajj avec leurs parents, avec leurs oncles, avec des proches. Fama hukm hajjihim. Qala al-Sheikh Abd al-Muhsin al-Abbad, hafidhahu Allah ta'ala fi tafsir al-nasik. Et c'est une risala nafi'a fi manasik al-hajj. Qala al-sabi wal-abd la yajiban alayhima ay al-hajj wal-umra. Al-sabi wal-abd. On verra le Quatrième, la quatrième condition, c'est la liberté, être libre. Ça fait sortir l'esclave. Et on verra hada. فَالصَّبِي وَالْعَبْدِ أي l'enfant et l'esclave, c'est pas obligatoire pour eux de faire le hajj. قَالَ وَلَوْ فَعَلَاهُمَا صَحَّ نَفْلًا. Par contre, s'ils le font, نَحْنُ الْأَنْ وَغَسْتِ فِي الصَّبِي. Si l'enfant, il fait le hajj, مثلاً, il le fait avec son père. C'est pas obligatoire pour lui. S'il le fait, الحج il est صحيح. لَكِن نَفْلًا. نَفْلًا. أي il est récompensé et c'est pas le hajj obligatoire qu'il a fait. قال الشيخ عبد المحسن وأجر من صح أو من حج بهما que ce soit l'enfant ou l'esclave s'ils font le hajj ils sont récompensés. قال لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله ألي هذا حج. Une femme elle a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم, elle avait un enfant معها et elle a porté cet enfant, elle a dit يا رسول الله est-ce que cet enfant il doit faire le hajj. فقال صلى الله عليه وسلم أو on répète رفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله ألي هذا حج. لا la question qu'elle a posée c'est pas est-ce que c'est obligatoire, là est-ce que s'il fait le hajj son hajj il est accepté. C'est comme ça qu'il faut comprendre le hadith. قال صلى الله عليه وسلم نعم s'il fait le hajj son hajj il est accepté. قال عليه الصلاة والسلام ولك الأجر رواه مسلم. Le hadith il est صحيح صحيح مسلم. Et ce hadith, il est important. L'imada, les anna, ce responsable, que ce soit père, mère, oncle, tuteur, etc., il est ma'jour. Kadhalik. Enfin, l'enfant, il est récompensé. Yom al-Qiyama, il trouvera la récompense de ce hajj. Kadhalik, celui qui a emmené cet enfant avec lui faire le hajj, il est récompensé. Ça montre l'importance pour les parents, s'ils ont les moyens, quand ils font le hajj, d'emmener leurs enfants ma'ahoum. Les anna, t'es ma'jour. Et ton enfant, il a du hajj. Kadhalik. قال الشيخ عبد المحسن بعد ذلك قال إلى سيتي دونك الحديث قال ولك الأجر رواه مسلم وروى البخاري قلت لنا بقول الشيخ عبد المحسن وروى البخاري في صحيحه عن السائب ابن يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين. السائب ابن يزيد صحابي. Il rapporte qu'il a fait le hajj avec le prophète sallam et il avait 7 ans. Il fait hajjat al-wada', le hajj qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ar-Rasoul sallam il a fait le hajj qu'une fois, hajjat al-wada'. لأن الصحيح أن الحج لا يتي rendu obligatoire la 9e année. Ar-Rasoul sallam il a fait le hajj la 10e année, hajjat al-wada'. As-Sa'ib ibn Yazid il avait 7 ans. Ça montre que c'était connu عند الصحابه qu'ils emmenaient leurs enfants avec eux. Et cet enfant il est ma'jour. Et celui qui l'a emmené, père, mère ou autre, كذلك, il est ma'djour. قال الشيخ عبد المحسن بعد ذلك قال ولا يجزئهما ولا يجزئهما عن حجة الإسلام. Ça c'est important. Cet enfant qui a fait le hajj, ça ne veut pas dire que quand il grandit, il ne doit plus faire le hajj. Maintenant il dit, Anna, j'ai fait le hajj quand j'étais petit. Donc j'ai fait le hajj une fois dans ma vie. Là. قال الشيخ عبد المحسن بل يحجان أي l'enfant et l'esclave حجة أخرى بعد البلوغ والعتق. العتق أي quand cet esclave il sera franchi. البلوغ quand l'enfant il atteint l'âge de la puberté. قال لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس أيما عبد حج به أهله ثم أعتق فعليه الحج وأيما صبي حج به أهله صبيا ثم أدرك فعليه حج حجة الرجل. On commence par l'enfant. Ibn Abbas il démontre que cet enfant qui a accompagné ses parents et qui a fait le hajj, il est récompensé par le hajj. Lakin, le jour où il atteint l'âge de la puberté, le hajj ça devient une obligation pour lui. Bien sûr s'il a les autres conditions. C'est un musulman. Il n'est pas majnoun, il a la capacité, etc. كذلك, l'esclave. S'il fait l'esclave et il accompagne son seyyid et il fait le hajj, le jour où il a franchi, il doit refaire le hajj. هذا قول ابن عباس. الأثر رواه ابن أبي شيبة وإسناده إلى صحيح. نعم. انظر فتح العلام. C'est un charh طيب لبلوغ المرام. خاصة avec le tahqiq كذلك إلى طيب. Hadith numéro 700. الشيخ محمد ابن حزام حفظه الله تعالى إلى ديتاي الكلام على هذا الأثر Et al-muhim, c'est qu'il est sahih. Comme a dit le Cheikh Abdel Mohsin, isnaduhu sahih. Wa rajjaha al-hafid ibn Hajar fil bulugh waqfa hadha al-hadith wa huwa as-sawab wallahu a'lam. Na'am. Wa al-hadith il est mawquf. Lakin Cheikh Abdel Mohsin, il a démontré en lahu hukm al-raf. Et c'est un qawl wajih, c'est un qawl tayyib. لماذا لأن ابن عباس رضي الله عنه قال ولا تقول قال ابن عباس ça ça montre ابن عباس je vais leur montrer c'est pas son قول à lui dites pas que c'est ابن عباس qui a dit ça et il a rapporté un قول فأشك أن ابن عباس il l'a pris عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو un صحابي qui a pris عن الرسول عليه الصلاة والسلام لأن il leur démontre un حكم et تعلمون أن الأحكام elle se prend من الكتاب أو من السنة فإلى موقوف أي c'est la parole d'un sahabi d'Ibn Abbas لكن il a حكم الرفع quand on dit حكم الرفع أي c'est comme si le prophète صلى الله عليه وسلم il l'avait dit بل c'est le prophète صلى الله عليه وسلم qui l'a dit donc troisième condition البلوغ quatrième condition الحرية on en a parlé avec مسألة de l'enfant أي la liberté ça fait sortir l'esclave فالesclave الحج c'est pas واجب pour lui لماذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب أي المجموع قال أجمعت الأمة على أن العبد لا يلزمه الحج لأن منافعه مستحقة لسيده فليس هو مستطيعا نعم لأن العبد il travaille pour son سيد pour son maître فدans ce cas-là le حج pour lui c'est pas obligatoire S'il est affranchi, c'est plus un esclave, il devient libre. Fafiyad al-hal, al-hajj, ça devient obligatoire avec les conditions, les autres conditions. Lakin, kama nabbaha ahlul ilm, annahu la yambari li sayyidan yamna abdahu min hadhi al-faridha. Cinquième condition, al-istita'a, la capacité. لقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال الإمام النووي رحمة الله عليه الاستطاعة شرط لوجوب الحج بإجماع المسلمين فنعم المسلم il doit avoir la capacité avec tous les شروط qu'on a dit s'il est capable il a la capacité on va voir que la capacité c'est physiquement et financièrement Ah, il n'est pas malade, il a de l'argent pour se déplacer. Fafiyad al-hal, al-hajj, c'est wajib ali. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, fil mumti', qal wal qadir. On dit le mustati' et on dit le qadir. On dit l'istita'a et on dit le qudra. C'est des mots, c'est des synonymes. Des mots qui, le ma'na, les mutaqariba. Aïe, nous on traduira par la capacité, être capable. Qal wal qadir huwa al qadir fi malihi wa badani. Ça fait sortir. Celui qui n'a pas d'argent, le pauvre, ou il n'a pas assez d'argent pour faire le hajj, مثلاً, on qadr nahnu, en ce moment, le hajj, il est à 4000 euros, 5000 euros, 3000 euros, ça dépend les pays, etc. Lakin, vu que nos doros, c'est pour les francophones, فنحن, on parle de l'Europe, etc. فتقريباً 4000, 5000 euros pour faire le hajj. S'il n'a pas ce meuble-là, le hajj, c'est pas wajib ali. Ou à badané, ça fait sortir le malade. Il peut avoir l'argent, lakin, il n'est pas capable. Il n'est pas capable de prendre l'avion. Il n'est pas capable de se déplacer. Il a une maladie grave. Il a un traitement à suivre. S'il le délaisse, il risque sa vie ou sa maladie, elle peut s'empirer, etc. Là, il n'a pas la capacité. Fafi hale, al-hajj, il n'est pas wajib. Qala, Cheikh al-Udaymin, hadha alladhi yalzamuhu al-hajj, ada'an bi nafsih. تأملوا كلام شيخ ابن عثيمين il est précis il est مهم il est pas obligé de faire le hajj lui-même ça veut pas dire que une personne elle peut pas faire le hajj pour lui ça va venir cette masala ma'an fa dans ce cas là il fait pas le hajj lui-même lakin on va voir que an-niyaba bab an-niyaba ay une personne un de ses proches il fait le hajj pour lui qala fa in kana 'ajizan bimalihi qadiran bibadani lazimahu al-hajj ada'an la لأنه قادر تأملوا هذا الكلام on le répète فإن كان عاجزا بماله أي il n'a pas d'argent أو il a de l'argent لكن il n'a pas la somme suffisante pour faire le hajj قال قادرا ببدنه لكن il peut le faire avec son corps أي physiquement il est capable قال لزمه الحج أداء لأنه قادر il doit faire le hajj s'il a la capacité. Quand il dit qu'il, mais comment, j'ai pas la somme, j'ai pas les moyens financiers pour le faire le hajj. Physiquement je peux, mais j'ai pas l'argent. Enfin, comment je fais le hajj? Quand il dit qu'il a ça, Cheikh Ibn Uthaymeen il répond, قال مثل أن يكون من أهل مكة. Cet exemple c'est pour te montrer qu'il n'y a pas un cas. La haqiqa elle est spécifique. C'est pas tout le monde. أهل مكة et les environs, كذلك, ils n'ont pas besoin d'une somme d'argent. Ou ils ont besoin d'une petite somme. أما أهل مكة ربما il n'a pas un rial et il fait le hajj. Il se met en ihram. Et on va voir le hajj, il va à Mina, Tumma, Wukuf, Arafah, Muzdalifa, il fait le tawaf, il fait le sa'i, il se rase les cheveux, et Inch'Allah, le hajj, il est sahih. Donc, ça te montre s'il est capable et il n'a pas d'argent, cette capacité, s'il fait partie des gens de Mecca, il fait le hajj. Lakin, la plupart des gens, ils seront incapables, il faut se déplacer. Et ce déplacement, ça demande un moyen financier. Enfin, la haqiqa, pour beaucoup de gens, les moyens financiers et physiques qui sont liés. Mais pas pour tous. On fait sortir Ahlu Mecca. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, wa in kana qadiran bimalihi, ajizan bibadani. Aïe, il peut financièrement, lakin il est incapable physiquement. Et ça, c'est le cas de beaucoup de musulmans. Nasallah subhanahu wa ta'ala an yu'afi marza al-muslimin. Beaucoup de musulmans ils sont malades. Ou kadhalik les personnes âgées. Il a atteint un âge avancé, il ne peut plus se déplacer. Ça serait trop dur, une trop grosse machaqa pour lui. Fa fi hadha al-hal, il a de l'argent, lakin il ne peut pas se déplacer lui-même. Qala lazimahu al-hajj bil-inaba. Naam. Bil-inaba. Aïe, il charge un proche, son fils ou autre, si c'est une personne âgée, ou un malade. Si son père ou son frère, al-muhim, quelqu'un de ses proches, il le charge de faire le hajj pour lui. C'est lui qui paye. Cette personne, elle fait le hajj, et la niya, c'est pour son frère, son proche qui est incapable. قال أيلزمه أن ينيب من يحج عنه إلا إذا كان العجز مما يجري أو مما يرجى زواله فينتظر حتى يزول. Et ça, c'est une مسألة importante. بعض الناس يستعجلون. Robama il est malade, il ne peut pas faire le hajj. Il a une incapacité physique. Il peut financièrement. Lakin cette incapacité physique elle est limitée. Matalan c'est il est malade cette année. Matalan il a une maladie, il sait que c'est une maladie qui ne dure pas en général. Fafiyad al-Hal il ne se précipite pas à charger Wahad qui fait le hajj pour lui. Là, cette année il est incapable. Inch'Allah l'année prochaine. S'il est guéri, il fait le hajj lui-même. Amma ça concerne l'an, on a compris de Kalam Shurna Taymin, ça concerne celui qui est ajiz à l'istimrar. Maintenant, une vieille personne, il sait que khalas, il ne peut plus se déplacer. Il a une maladie grave. Il sait que cette maladie, ce n'est pas du jour au lendemain qu'elle sera guérie, belle, il a des qara'in, etc., que c'est très grave et pour l'instant, il n'y a pas de guérison. Fait adal, une maladie, comme ils appellent, incurable. Allah subhanahu wa ta'ala, il est à la kulli shay'in qadir. Lakin, il y a des maladies comme le diabète qui est grave ou le cancer, etc. L'insan, il ne peut plus se déplacer. Fafi hadha al-hal, il applique ce que Cheikh Ibn Uthaymeen il a dit. Amma une maladie temporaire, là. Wa al-dalil, on cite al-dalil, à la kalam Cheikh Ibn Uthaymeen, à la wujub, al-inaba, lil-qadir bimalihi, al-ajiz bibadanih, hadith Ibn Abbas. رضي الله عنهما في الصحيحين أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الحج تأمل لقولها فريضة الحج رضي الله عنها على عباده إن أنا دي فريضة الحج فريضة الله الصواب إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا أي الديمونت خبر صلى الله عليه وسلم أن cette obligation que Allah subhanahu wa ta'ala il a rendu obligatoire à ses serviteurs al-hajj, son père adrakat, liyanna ta'lamoun anna al-hajj il a été rendu obligatoire la 9e année de l'hijra. Enfin, cette femme elle demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam cette obligation qui t'a été révélée ya Rasulullah, mon père il est vieux et c'est un muslim et il ne peut pas faire al-hajj, il ne peut plus se déplacer. Faqalat la yathbut ala al-rahila. Et ça c'est, ça te montre un cas de ceux qui ne peuvent pas faire le hajj, la yathbut ala al-rahila. Ta'lamun anna à cette époque de Medina ila Mecca, Il y a 400 km. Avec une monture, il te faut minimum robana un mois à leur époque. Fahada al-Sheikh al-Kabir la yathbut ala rahila. Il ne peut pas se rester posé sur une monture. Kadhalik, à notre époque, on peut comparer avec des personnes âgées ou autres, des malades qui ne peuvent pas prendre l'avion. Et ils ne peuvent pas, mimbab aula, ils peuvent pas prendre, se déplacer en car, en voiture, etc. Fahada al-Had, ils sont fi hukm al-Ajiz. Qalat al-Mar'a. Elle a demandé au prophète sallam, est-ce que je peux faire le hajj pour lui? Elle est à sa place, avec son mail, et je fais le hajj. La niya, c'est pour lui. Le prophète sallam, il a dit naam. Ça nous montre, ils ont une idée, c'est que pour les morts. Si un proche il est mort et il n'a pas fait le hajj, on fait le hajj pour lui. Ala fi tafsil. Toute cette masse, elle a de faire des œuvres pour un autre. Walillahi alhamd, on avait fait. Quand on était à Dammaj avec les Ikhwan, trois dourous, on les avait enregistrés. Dans cette mes'ala, on avait détaillé le hajj et ghayr le hajj. Et c'est un sujet important. Inch'Allah, on essaiera de propager ces dourous. Yadkhul fil istita'a kadhalik amn at-tariq. Et ça, c'est important. Amn at-tariq. Aïe, que at-tariq, il n'y a pas un danger. Matalan, Ahlul Yémen, pour se rendre au Hajj, khasatan la voie par le car, la route n'est pas en sécurité. Avec tous le conflit, etc., ce qui se passe, les aéroports sont mu'attala, ils ne peuvent plus prendre l'avion. Le pays est en guerre. Ils ne peuvent pas se rendre à Mecca, bisouhoula. Ce n'est pas obligatoire. Ils attendent jusqu'à que l'appel revienne, et inshallah, ils font le Hajj. Kadalik al-mu'amalat al-rasmiya. Ça rentre dans l'istita'a. Et tout ce qui est les papiers, le visa, etc. Ta'lamoun al-an, pour des raisons, des bonnes raisons, des raisons de sécurité ou autres, ils font un visa, etc. Si les portes elles seraient ouvertes, tout le monde part, ça serait très difficile à gérer, et il y aurait trop de monde, c'est pas adapté, etc. Fajazahoullahu khayr, al-mamlaka al-arabiya al-saoudia, ils ont mis des règles. Et c'est al-wajib. Fal-an, si t'as pas reçu ton visa, ou t'as pas réussi à faire tes papiers, ou t'as des problèmes de passeport, etc. Afi halik, t'es ma'adour. Fali hada, le fait de faire le hajj clandestinement, l'ulama, la yansuhum bihada. Afi hada l'hal, c'est wajib ta'at oulat l'umour. Naam, ils ont mis ces règles, c'est pour la sécurité de tout le monde. Et c'est pour le bien-être de tout le monde. On respecte. Celui qui a pas ses papiers, qui a pas son visa, il subir jusqu'à l'année prochaine ou autre. Hatta, inshallah, il a ses papiers et il part en règle. كذلك et on finit avec هذا المحرم للمرأة. Ça c'est la sixième condition للوجوب. تأملوا قولنا للوجوب لأن الآن يرى une مسألة, est-ce que son حج il a accepté أم لا, si la femme elle fait le حج sans محرم. نحن الآن par étape on commence شرط للوجوب. أي si elle n'a pas de محرم, c'est pas obligatoire pour elle. Le fait qu'elle le fasse sans محرم, c'est autre chose, et c'est ce qu'on verra. الآن المرأة si elle a pas de mahram, الحج c'est pas wajib pour elle. Voilà aussi elle a la capacité financièrement et physiquement. قال الشيخ عبد المحسن في تفسير الناسخ قال والمرأة القادرة ببدنها ومالها لا تكون مستطيعة إلا بوجود محرم لها يحج معها un mahram et qui fait le hajj avec elle. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا. دونك النبي صلى الله عليه وسلم إذا دمت خان المرأة الفبا إلا مع محرم. Un homme, il a entendu cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a posé cette question, Ya Rasulallah, urid an akhruj fi jayshi kada wa kada wa mra'ati turid al-hajj. J'ai envie de faire al-jihad dans tel endroit, lakin ma femme, elle veut faire al-hajj. Wa mra'ati turid al-hajj. Et ça montre l'importance de poser les questions quand tu ignores quelque chose. هذا الرجل الآن صحابي رضي الله عنه il a été éduqué par un Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les a éduqués هكذا. Il pose leurs questions qu'il a besoin, lakin on n'ouvre pas les portes toutes les questions, des questions qui ne sont pas à leur place, des choses qui ne te regardent pas. Lakin, cet homme-là, il est concerné directement. Il pose sa question. بأدب. وَمْرَأَتِي تُرِيدِ الْحَجِ فَقَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ أُخْرُجْ مَعَهَا. Le Nabi صلى الله عليه وسلم, il démontre à cet homme-là, tu ne fais pas le jihad dans tel et tel endroit. Toi, cette année, tu vas avec ta femme au hajj. Ça, ça montre l'importance qui donnait à sahaba, radiyallahu anhu, les hadas shi. أما الآن كثير من النساء ألفون حج sans محرم بل أحيانا tu trouves un groupe, c'est que des femmes تقريبا 40-50, c'est que des femmes et avec un guide, un homme. نعوذ بالله. قال الشيخ عبد المحسن رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم السائل في هذا الحديث إلى ترك الجهاد pour montrer l'importance. L'importance que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a donné à ce sujet. Tu délaisses le jihad pour voyager avec ta femme. Hatta ta femme elle voyage pas sans mahram. Qala ma amra'atihi lil hajj wa law hajjat al mar'a bighayri mahram sahha hajjaha wa athimat li safariha bidun mahram. Et ça c'est une mas'ala importante كذلك. لأن ربما une femme elle entend mithla hadha al kalam et elle a fait le hajj à l'époque sans mahram et elle se demande est-ce que son hajj il est valide am la. Le hajj il est valide. Si elle a les conditions qu'on verra, l'arcane, elle a fait les wajibat, le hajj en lui-même il est valide. Lakin ce voyage qu'elle a fait, elle a désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait aller athima. Elle a des péchés par rapport à son voyage qu'elle a fait sans mahram, elle fait tawbah, elle demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, et elle ne recommence plus, et son hajj il est sahih inshallah. قال وأثمت لسفرها بدون محرم لأن اشتراط المحرم شرط للوجوب لا للصحة. C'est un شرط للوجوب. أي ce شرط s'il n'est pas présent, le hajj n'est pas obligatoire. Ça ne veut pas dire que s'il n'est pas présent, le hajj n'est pas valide. لا. Ça c'est des, une mas'ala qu'on voit في الأصول. شرط. Que ce soit للوجوب أو الصحة أو الكمال. قال ثم الآن شيخ عبد المحسن إذا démontré c'est quoi le mahram, c'est qui le mahram. قال ومحرم المرأة زوجها. إلا c'est الزوج لأن c'est celui qui a la plus grande responsabilité envers sa femme. قال ومن تحرم عليه على التأبيد بسبب أو سبب مباح. قال قال فالمحرم من النسب كأبيها وابنها وأخيها وعمها وخالها. نعم المحرم سبيت من جهة النسب أي لدي لين directement avec cette femme. Imma c'est son père, imma c'est son frère, imma c'est son fils, c'est son oncle paternel, maternel. Ou قال المحرم من السبب. أي il a pas un lien de parenté معه لكن il y a un سبب, une cause qui l'a rendu que c'est un محرم. قال إما برضا مثلا l'allaitement كأبيها وابنها وأخيها وعمها وخالها من الرضا. Son père par rapport à l'allaitement, ou son frère d'allaitement, ou son oncle, etc. قال وإما بالمصاهرة أي l'alliance qu'on appelle l'alliance كأبي زوجها. نعم أي son beau-père. قال وابنه وزوج أمها etc. Il a cité des exemples. كذلك وزوج بنتها كذلك son beau-fils مثلا la femme, le mari de sa fille. Tout ça c'est des محارم. المهم أن المرأة elle fait bien attention à هذا. Elle fait que ce soit le hajj ou autre مع المحرم. Et في الحقيقة celui qui réfléchit c'est pour مصلحة المرأة. المرأة toute seule elle est en danger, خاصة في هذا الزمان. كم من أشرار, كم من فساق, كم من فساق. هذا في الحقيقة tout ça c'est pour préserver la femme. لكن بعض الناس ils sont في جهل et ils ont une mauvaise نية. مسألة إذا أرادت المرأة أن تحج فهل لزوجها يمنعها. Ça c'est une mas'ala qui est liée avec la mas'ala précédente. Si cette femme elle veut faire le hajj, est-ce que son mari, maintenant son mari c'est le mahram, c'est le premier. On commence par lui. Lakin il refuse. Il ne peut pas pour une raison quelconque et il refuse. Maintenant il a déjà fait le hajj, ou il ne peut pas, ou muhim. Il refuse. Est-ce qu'il peut interdire à sa femme de faire le hajj? Al-jawab, la. لا قال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع وذلك لأن حق الزوج واجب فليس لها تفويته بما ليس بواجب كالسيد مع عبده. أما si c'est un حج qui est pas obligatoire elle doit obéir à son mari, elle fait pas le حج لأن les droits du mari passent avant cette adoration qui est pas obligatoire, une chose recommandée. L'obligatoire il passe avant le recommandé. بقية si c'est حجة الإسلام. Cette femme, elle n'a jamais fait le hajj. Elle a l'argent, la capacité, elle doit faire le hajj. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله بعد أن ذكر قول المنع قول الجمهور أي qu'il n'a pas le droit de l'interdire في هذا الحال قال لأنه فرض c'est une obligation c'est un ركن من أركان الإسلام فلم يكن له منعها منه كصوم رمضان والصلوات الخمس ويستحب أن تستأذن في ذلك نعم comme il l'empêche pas il n'a pas le droit d'empêcher de faire salat de faire de sortir le zakat de faire ramadan il n'a pas le droit لا طاعة في مخلوق لمخلوق بمعصية الخالق وقال عيسى الله عليه إنما الطاعة في المعروف ففي هذا الحال إلى بلغة إلى بلغة لكن من الأدب كما قال الإمام ابن قدامة ويستحب أن تستأذنه في ذلك لكن لو دوموند لا بيرميسيون نص عليه أحمد فإن أذن سي لو دون لا بيرميسيون الحمد لله لكن اون بريسيز افيك ان محرم سو ماري الآن يبو با Il travaille ou il a déjà fait le hajj ou il est mohim, il a une excuse. Elle part avec un mahram, son père, son frère, son fils, etc. فَإِنْ أَذِنَ وَإِلَّا خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ S'il veut pas, et alors qu'elle a un mahram, elle a son argent, etc. فَفِي هَذَا الْحَالَ Elle lui demande, et s'il veut pas, elle part quand même. لِأَنَّ طَاعَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ Elle passe avant طَاعَةَ الزول. Et nous on conseille les maris de ne pas empêcher. L'imam, tu l'empêches. احمد الله أن ta femme a cette niya, elle veut faire هذا الخير. Le mieux, c'est que tu partes avec elle. Ahsan. Si tu ne peux pas, inshallah, avec son père, avec son frère, avec une personne de confiance de ses proches. Le mahram, il faut qu'il soit de. كذلك, un mahram de confiance. Amma un enfant qui ne connaît rien, ce n'est pas un mahram. Un enfant. Là, le mahram, il a des conditions qu'on ne va pas citer ici en détail. والله المستعان. فأفيك توس الشروط كنا سيتين الآن الإسلام والبلوغ والعقل والحرية etc. والمحرم للمرأة أفيك توسا الحج يدفين أوبليغاتوار إن شاء الله نقول فيني كلك مسائل لكن ذهب الوقت نكتفي بهذا القدر إن شاء الله أبقى تغدو دوما Et demain, c'est le dernier dars de la semaine. On fera dars lundi, mardi, mercredi. Inch'Allah, si ça suffit. Si on voit que le hajj il approche et on n'arrive pas à finir, enfin, on rajoute. On rajoute, Inch'Allah ta'ala. On essaiera de rajouter un jour. Lakin, pour l'instant, on est dans les temps où Allah ilhamd. Lakin, à partir de demain, 19h. Ahsan. Et al-an, il est 20h20, 20h25 même. C'est bientôt le maghrib indakum. Ahsan, on décale d'un quart d'heure. À partir de demain, on commence à 19h, Inch'Allah ta'ala. Hayyakumullah, nas'Allah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq wa s-sadat. Walhamdulillah, rabbil alamin.